C'est l'heure de l'actualité scientifique de la semaine. Et François, comme premier sujet, tu vas nous parler d'une chose un peu étrange concernant la vie sexuelle des calmars. Oui, Mélanie, je vais te poser une question avant de commencer. En fait, comment est-il possible de se reproduire quand on vit très isolé, que mâles et femelles sont presque identiques et qu'on n'y voit presque rien? J'imagine qu'on s'essaie sur tout ce qui passe. Et d'après Hendrik Hoving et ses collègues de l'Institut de recherche de l'Aquarium de Monterey en Californie, c'est exactement la stratégie qu'adopte un calmar des profondeurs. Il féconde mâles et femelles. Selon les chercheurs, le calmar Octopotheutis d'Elétron, qui vit en solitaire dans les profondeurs marines où les occasions de rencontre sont rares, a développé une stratégie étonnante pour assurer sa reproduction. Le mâle s'accouple avec tous ses semblables qui passent à sa portée, mâle ou femelle. Alors la rencontre entre les deux partenaires est très brève. Le mâle dépose ses spermatophores sur le corps de celui qui est supposé être la femelle. Ces spermatophores libèrent ensuite de petites poches de couleur blanche qui s'implantent dans les tissus de la femelle et qui contiennent des milliers de spermatozoïdes. Alors même une fois vides, ces poches restent attachées au corps de la femelle et témoignent d'une fécondation. Alors ce sont précisément ces petites poches blanches que les chercheurs ont traquées et filmées sur les calmars pendant 10 ans dans la baie de Monterey à l'aide de leur robot submersible télécommandé. Mais qu'est-ce qu'on sait exactement sur cette espèce de calmar? Alors, le céphalopode est de petite taille, de couleur rouge. Il vit entre 400 et 800 mètres de profondeur. Il est donc difficile à étudier et ses mœurs sont mal connues. Donc, pour ne rien simplifier, les mâles et femelles sont presque identiques. Seul un morceau de tissu gélatineux et plissé, propre aux femelles, a permis aux chercheurs de distinguer 19 femelles et 20 mâles parmi les 39 calmars étudiés. Donc, vaut mieux un coup pour rien qu'une occasion ratée, j'imagine. Les chercheurs ont observé la présence de poches blanches accrochées aux calmars de 9 mâles et 10 femelles à des endroits similaires, ce qui signifierait que la fécondation se produit aussi souvent entre mâles et femelles qu'entre mâles. Donc, pour répondre à ta question, la difficulté à faire la différence entre les sexes, ajoutée au mode de vie solitaire et à l'environnement sombre de ces calmars, expliquerait que les mâles distribuent leur sperme à l'aveugle, périphérant, comme tu le disais, un coup pour rien à une occasion ratée. Alors, morale de cette histoire, alors selon les chercheurs, pour ces calmars, produire inutilement des spermatozoïdes serait moins coûteux du point de vue de l'évolution que de développer une capacité à discriminer le sexe du partenaire. Alors, les chercheurs ont publié leur étude dans les Biology Letters de la Royal Society. Et c'est une nouvelle qu'on pourrait classer d'assez insolite. Oui, effectivement. Malheureusement, ce que l'histoire ne raconte pas, lorsque deux mâles se rencontrent, est-ce que les deux se fécondent mutuellement ou est-ce que c'est le plus dominant des deux qui féconde l'autre? En fait, il y a encore un petit mystère qui subsiste. Et tu as une autre nouvelle insolite aujourd'hui, une énigme du virus du sida qui aurait été résolue par les adeptes du jeu en ligne. Oui, Mélanie. Alors, les adeptes d'un jeu vidéo sur Internet qui s'appelle Fold It ont fourni un sérieux coup de pouce aux scientifiques. Alors, ils sont parvenus à décoder en 3 semaines la structure d'une enzyme proche de celle du VIH. C'est une énigme qui tenait les scientifiques en échec depuis 10 ans car ils n'arrivaient pas à déterminer la structure exacte de cette molécule. Alors pourtant, ce type d'enzyme qu'on appelle protéase joue un rôle fondamental dans la prolifération de ces virus particuliers que sont les rétrovirus. Alors les chercheurs étaient persuadés qu'en bloquant leur action, ils pourraient parvenir à trouver une nouvelle piste thérapeutique. Mais sans la structure exacte de l'enzyme, impossible de déterminer les substances capables de l'inhiber et les zones à cibler. Donc c'est un problème qui est aujourd'hui résolu par les gamers. En effet, la revue Nature Structural and Molecular Biology vient tout juste de publier la structure tridimensionnelle de l'enzyme, mais c'est un exploit qui n'a pas été mobilisé que par des chercheurs. La clé de ces travaux a été fournie par des adeptes du jeu vidéo en ligne, et ceux-ci figurent comme les co-auteurs de l'étude. Et que veut dire Fold It? En fait, c'est un jeu expérimental développé en 2008 par les départements d'informatique et de biochimie de l'Université de Washington et accessible à tous sur Internet. Donc, son but est d'amener des joueurs humains à résoudre un problème auquel se heurtent les ordinateurs, c'est-à-dire comment une molécule se plie pour former une structure en 3 dimensions et donner ainsi naissance à une protéine. Seth Cooper, en fait l'un des créateurs de Fold It, explique que les gens ont des capacités de raisonnement dans l'espace bien supérieures à celles des ordinateurs. Aussi, pour cet objectif précis, le jeu a réuni des milliers de joueurs du monde entier, collégiens et retraités, répartis en équipes concurrentes. Alors, et connectés au cyberespace, ils ont manipulé des chaînes d'acides aminés, des briques qui composent les protéines, en fait, les pliant et les repliant dans toutes les combinaisons imaginables pour tenter d'aboutir à une structure viable. Finalement, les modèles de protéines transmis par les joueurs via Internet se sont avérés tellement proches de la réalité qu'il n'a fallu que quelques jours aux chercheurs pour les affiner et établir la structure exacte de l'enzyme. En 3 semaines en tout, l'énigme était résolue. Alors, c'est une très belle histoire, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci François pour cette revue de presse. On va faire une courte pause musicale et on vous revient avec Morgane Lemasson qui va interviewer le chercheur Laurent Lecanu.